déranger le drapeau noir planté sur mon crâne incliné. Et j'ai hissé dans le soir des jolies lanternes colorées. Brune, rousse, noire ou blonde, la nuit vient nous caresser. Tout s'arrête en 7 secondes, allez maintenant on va danser. Blanche, noire ou bien ronde, petite croche pointée. Trace lumineuses ondes dans l'air précise fusée. Ces mains qui brodent le ciel sont faites pour caresser. Les corps et les doigts se mêlent, n'arrêtez surtout pas de danser. Danse, danse, danse, les yeux fermés. Danse, danse, danse comme un secret. Danse, danse, danse, les reins cambrés. Danse, danse et je t'aimerai. Fièvre de ma transe, je te regarde bouger. Lascivement tu balances ton cul souple Salomé. Perle noire d'une essence rare telle la goutte nacrée. Enchâssée à la naissance de tes seins nus et parfaits. Danse, danse, danse les yeux fermés. Danse, danse, danse comme un secret. Danse, danse, danse les reins cambrés. Danse, danse et je t'aimerai. Danse, danse, danse les yeux fermés. Danse, danse, danse comme un secret. Danse, danse, danse les reins cambrés. Danse, danse et je t'aimerai. Mon amour âme complice, je déguste les reflets qui sur ta peau douce glissent, fines gouttes irisées. Pour la nuit cette cadence est celle que je veux donner à nos pas et cette danse est l'écran pour nos baisers. Les yeux fermés, danse, danse, danse comme un secret. Danse, danse, danse les reins cambrés. Danse, danse et je t'aimerai. Danse, danse, danse les yeux fermés. Danse, danse, danse comme un secret. Danse, danse, danse les reins cambrés. Danse, danse et je t'aimerai. Danse, danse et je t'aimerai. Danse, danse et je t'aimerai.